voudrais réécrire les mots, supprimer en eux la misère, enlever leur temps de guerre, simplement reconstruire les mots. Construire les mots dans des phrases plus humaines, des paroles plus sereines, loin des mensonges, loin des médias. Je voudrais soigner les mots, les alléger des souffrances, ôter des discours l'arrogance, doucement ressemer les mots. Oui, semer les mots. Dans des chansons de tolérance, loin des extrêmes, loin des prisons. Je voudrais sauver les mots, ceux qui sont beaux mais aussi les doux, leur donner une chance de vivre en nous. Tendrement libérer les mots, oui, libérer les mots dans des poèmes qui ont du sens, dans les je t'aime de l'enfance, loin des vengeances, loin des regrets. Ensemble, ensemble. Mmh. Oh, oh, oh. Je voudrais sauver les mots.